Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Voici la leçon 45. La phrase clé est... Otanjoubi omedetou. Joyeux anniversaire. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'Anna. Le cousin de Sakura, Kenta, a fait le déplacement depuis Shizuoka. Il célèbre son anniversaire dans un restaurant avec d'autres amis. Écoutons le sketch de la leçon 45. La phrase clé est... Otanjoubi omedetou. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Anna, otanjoubi omedetou. これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna, お誕生日おめでとう。 Joyeux anniversaire, Anna. Anna indique que l'on s'adresse à Anna. お誕生日 signifie anniversaire. C'est une expression polie avec 誕生日, anniversaire, précédé du terme honorifique o. Omedetou signifie félicitations. Otanjoubi omedetou est notre phrase clé aujourd'hui. Otanjoubi omedetou. Si l'on souhaite être encore plus poli, on peut dire omedetou et ajouter gozaimasu après. Alors, on dit « Otanjoubi omedetou gozaimasu », c'est bien ça? Adrien, que dois-je dire pour féliciter quelqu'un qui a réussi un examen d'entrée en utilisant « omedetou gozaimasu » ? Réfléchissons-y ensemble. Réussir un examen d'entrée, c'est « gokaku ». Alors, on dit « gokaku omedetou gozaimasu ». Félicitations pour ton examen d'entrée, n'est-ce pas? C'est bien ça. Kenta remet un paquet à Anna. これ ほんの気持ちです. Voici un petit quelque chose. これ signifie ceci. ほんの c'est juste un petit. 気持ち signifie littéralement sentiment. On peut les employer ensemble et dire ほんの気持ち lorsque l'on remet un présent à quelqu'un. On l'utilise donc pour manifester notre humble considération envers la personne qui reçoit le présent. Des est une expression polie qui conclut une phrase. Au Japon, on essaye de rester humble même lorsque l'on remet un présent. On peut exprimer ainsi que ce n'est pas grand-chose, mais merci de l'accepter si vous le voulez bien. Anna reçoit le présent de Kenta et dit Domo arigato gozaimasu. Je te remercie infiniment. Domo arigato gozaimasu. Je te remercie infiniment est une manière polie de dire arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Sakura demande Nani o moratta no? Qu'est-ce que tu as reçu? Nani signifie quoi? O est une particule qui indique l'objet d'une action. Moratta est la forme en ta du verbe moraimasu, obtenir, recevoir. Ici, la forme en ta indique que l'action de recevoir a eu lieu ou qu'elle a été complétée. No, placée à la fin d'une phrase, est la forme abrégée de no desu ka, une expression avec laquelle on cherche à obtenir une explication ou une confirmation. Alors, on dit nani o moratta no, n'est-ce pas? Oui. Alors, Anna demande Akete-mo ii desu ka? Je peux l'ouvrir? Akete est la forme en te du verbe akemasu, ouvrir. Si l'on dit mo ii desu ka? Après la forme en te, on cherche à obtenir l'approbation. Vous l'avez appris dans la leçon 14. Qu'est-ce que Kenta a offert à Anna? Je suis curieuse. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 45. La phrase clé aujourd'hui est お誕生日おめでとう. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. アンナ、お誕生日おめでとう。 これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ Passons à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris le verbe moraimasu, obtenir, recevoir. Dans la leçon 33, nous avons également appris les verbes agemasu, donner, et kuremasu, qui signifie aussi donner. Qu'est-ce qui les différencie? C'est une bonne question. Demandons à notre professeur. Veuillez d'abord prendre note que agemasu et kuremasu signifient donner et moraimasu signifie obtenir, recevoir. En japonais, on décide lequel utiliser en fonction de qui est le sujet, celui qui donne ou celui qui reçoit, et aussi en fonction de qui est la personne qui reçoit. Si la personne qui donne est le sujet, on utilise « agemasu » ou « koremasu » puisque les deux signifient « donner ». Si vous êtes la personne qui reçoit ou s'il s'agit d'une personne qui vous est proche, qui appartient à votre cercle d'intime, on utilise alors « kuremasu ». Si vous souhaitez dire « Kenta me donne une photographie », une photographie se dit « shashin ». « Je, moi », c'est « watashi ». On utilise la particule « ni » pour indiquer qui reçoit. Donc, Kenta me donne une photographie, se dit Kenta wa watashi ni shashin wo kuremasu. Si la personne qui reçoit n'appartient pas à notre cercle d'intime, on utilise agemasu. Donc, on dit Kenta wa Anna ni shashin wo agemasu. Kenta donne une photographie à Anna. Lorsque la personne qui reçoit est le sujet, on utilise moraimasu. Obtenir, recevoir. On emploie la particule ni pour indiquer qui donne. Si Anna reçoit une photographie de la part de Kenta, Anna est alors le sujet. Kenta est celui qui donne. Alors on dit Kenta ni. Une photographie est donnée à Anna par Kenta, se dit Anna wa Kenta ni shashin wo moraimasu. Si l'on reçoit quelque chose d'un supérieur, il vaut mieux dire « itadakimasu » au lieu de « moraimasu ». En utilisant correctement « itadakimasu », je suis convaincu que vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise en japonais. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Sur ce, passons à notre rubrique intitulée « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Jin, jin exprime que l'on est au bord des larmes et que nos émotions sont très profondes. Je comprends bien ce que c'est d'être profondément ému. Horori, horori décrit le fait d'être touché au point de verser des larmes malgré soi et de ressentir de la sympathie envers quelqu'un. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Jin » et « Horori ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Kenta m'a donné un collier en forme de mont Fuji. J'ai été profondément touchée. Je me suis sentie jin. La leçon 45 vous a plu? La phrase clé aujourd'hui était Otanjoubi omedetou. Joyeux anniversaire. Lors de notre prochaine leçon, nous vous parlerons d'Anna et Kenta après la fête d'anniversaire. Soyez au rendez-vous pour cette prochaine leçon.